La Bible David Martin 1855. Seconde épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Seconde Thessaloniciens chapitre 1. Paul, et Sylvain, et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable, parce que votre foi s'augmente beaucoup, et que votre charité mutuelle fait des progrès. De sorte que nous-mêmes nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions, et dans les afflictions que vous soutenez, qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. Puisque c'est une chose juste devant Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et qu'il vous donne du relâche, à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu, et contre ceux qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle, par la présence du Seigneur, et par la gloire de sa force. Quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient, parce que vous avez cru le témoignage que nous vous en avons rendu. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, que notre Dieu vous rende digne de sa vocation, et qu'il accomplisse puissamment en vous, tout le bon plaisir de sa bonté, et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ.